Louise n'est pas morte. J'allumais la radio, mais en guise de musique, j'entendis « Louise n'est pas morte ». Je freinais à fond, sortis de la voiture en trébuchant, me ramassai le nez dans une flaque d'eau, courus vers la forêt qui longeait la route. Mais à cause du mauvais temps, il faisait très sombre. Je n'ai pas vu qu'une grosse racine dépassait du sol. Je me suis pris les pieds dedans et mon visage est venu s'écraser violemment contre un arbre peu accueillant. « Coupez ! Coupez !» hurla le réalisateur. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu devais courir vers le ruisseau, pas t'envoyer un arbre. Qu'est-ce que tu fous ?» J'avais une sérieuse blessure en travers du nez qui saignait abondamment. Je m'étais à moitié évanoui de douleur. « Et voilà, tu t'es pété le nez, pauvre conne. Tu veux bousiller mon film ? T'es viré. Viré ! Comment tu veux que je garde une gonzesse qui a le nez pété dès le début du film ? Trouvez-moi une autre comédienne dès demain à 8h, et que ça saute. » C'est ainsi que ma carrière d'actrice débuta et cessa le même jour.